La Bible David Martin 1855. Le livre de Nahum le prophète. Nahum chapitre 1. La charge de Ninive, qui est le livre de la vision de Nahum, Elkosien. Le Dieu fort est jaloux, et l'Éternel est vengeur, et il a la fureur à son commandement, l'Éternel se venge de ses adversaires, et la garde à ses ennemis. L'Éternel est tardif à colère, et grand en force, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. L'Éternel marche parmi les tourbillons et les tempêtes, et les nuées sont la poudre de ses pieds. Il tense la mer, et la fait tarir, et il dessèche tous les fleuves, Basan et Carmel sont rendus languissants, la fleur du Liban est aussi rendue languissante. Les montagnes tremblent à cause de lui, et les coteaux s'écoulent, la terre monte en feu à cause de sa présence, la terre, dis-je, habitable, et tous ceux qui y habitent. Qui subsistera devant son indignation, et qui demeurera ferme dans l'ardeur de sa colère? Sa fureur se répand comme un feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est une forteresse au temps de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Il s'en va passer comme un débordement d'eau, il réduira son lieu à néant, et fera que les ténèbres poursuivront ses ennemis. Que pourriez-vous machiner contre l'Éternel? C'est lui qui réduit à néant, la détresse n'y retournera point une seconde fois. Car étant entortillés comme des épines, et ivres selon qu'ils ont accoutumé de s'enivrer, ils seront consumés entièrement comme la paille sèche. De toi est sorti celui qui machine du mal contre l'Éternel, et qui met en avant un méchant conseil. Ainsi a dit l'Éternel, encore qu'ils soient en paix, et en grand nombre, ils seront certainement retranchés, et on passera outre. Or je t'ai affligé, mais je ne t'affligerai plus. Mais maintenant je romprai son joug de dessus toi, et je mettrai en pièces tes liens. Car l'Éternel a donné commission contre toi, il n'en naîtra plus de ton nom. Je retrancherai de la maison de tes dieux, les images de taille et de fonte, je ferai de cette maison-là ton sépulcre, après que tu seras tombé dans le mépris. Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, et qui publie la paix. Toi, Judas, célèbre tes fêtes solennelles, et rends tes vœux, car les hommes violents ne passeront plus à l'avenir au milieu de toi, ils sont entièrement retranchés.